Section 99 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 99. La princesse Lilith, par Jules Lemaître. Chapitre 7. La nuit venue, Lilith s'enveloppa de voiles noirs, et les bracelets et les cercles d'or de ses bras et de ses chevilles, et les colliers de son cou et les pierres précieuses dont elle était toute couverte, luisaient à travers ses voiles aussi doucement que les étoiles dans le ciel. Et ainsi, Lilith ressemblait à la nuit, dont elle portait le nom, car Lilith, en langue hébraïque, signifie « la nuit ». Elle sortit secrètement du palais avec la négresse Noun, et elle songeait en chemin. « Je ne voudrais pas que le Messie enlevât la couronne à mon père, car il me serait dur de ne plus habiter un beau palais et de ne plus avoir de beaux tapis, de belles robes, des joyaux et des parfums. Mais je ne veux pas non plus que l'on fasse mourir ce petit enfant nouveau-né. Alors je dirai à mon père que j'ai découvert sa retraite, et en récompense de ce service, je le prierai d'épargner cet enfant et de le garder dans son palais. Ainsi, il ne pourra nous nuire, mais s'il est le Messie, il nous associera à sa puissance. » Fin de la section 99.